DJ Mike G, King's Energy. Who pack a ton, man? Who pack a ton, man? Show, show, show. Eh ben oui. Bambi, Bambi, Bambi. M'en laisse sa bouc moué. Bambi, Bambi, Bambi. Maman ka il a kapwenne kou Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Les Bambi ka fè bandé show, les bandi. Bandi, bandi, bandi. Les bandi ka voye chip sac moni. Moni, moni, moni. Boni ka fè bandé fè se mami. Mami, mami, mami. Yep. Strict ficelle et puis barésil. Yep. Welcome to soirée West Indies. Yep. Sex appeal pour les vémissiles. Yep. Ou peut pas démarrer ça en civil. Back it up, c'est son créneau. Mauvais temps, dis météo. Wine up, Bali en péno. Montez bête là en I ou en vélo. Maman Kaila Kapwene kou Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Les Bambi ka fè bandé show, les bandi. Bandi, bandi, bandi. Les bandits qui voyaient chip sac moni. Moni, moni, moni. Boni qui a fait bonne effet, c'est mami. Mami, mami, mami. Les bambis qui a fait bonne show, c'est organes. Les nègres là qui a tapé chaud, dem en orgasme. Bobo, ça te mérite un permis pour down. Doubou de sa boube ou capé tout am. Kéo capo flamme, kéo capo flamme. No, I don't care, no, I don't care. Que tu baves sur moi comme un verre de terre. J'ai mis mes mains par terre et mes fesses en l'air. Yep. Maman Kaila Kapwene kou Bambi. Bambi, Bambi, Bambi. Les Bambi ka fè bandé show, les bandi. Bandi, bandi, bandi. Les bandi ka voye chip sac moni. Moni, moni, moni. Boni ka fè bandé fesse, c'est mami. Mami, mami, mami. Yep, yep, yep, yep, yep. Bambi, Bambi, Bambi. Black Killa, Killa, Killa, Killa. Bandi, Bandi, Bandi. Chopé. Ah oui. Moni, Moni, Moni. Et ça nous les fait l'argent. Mami, Mami, Mami.